Bonsoir, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire de rock progressif. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones sur les ondes de C'est Fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Et aujourd'hui, bien, on aura un survol géographique assez varié. On va avoir de l'Angleterre, Nectar. On va aller en Argentine aussi avec Lalo Hubert. On va aller au Chili avec Los Jaivas. On va aller en Turquie avec GVND. On va retourner en Angleterre avec Long Earth, ESP Project et puis Caravan. On aura un survol multinational avec My Name is Janet et puis The Tangent. On va aller en France avec Nemo. En Autriche avec Dare Dogs Were Astronauts. Et en Pays-Bas avec Junction. Alors, comme à l'habitude, eh bien, on a le premier bloc de l'émission qui est consacré à l'album de la semaine. Et aujourd'hui, eh bien, c'est Nectar, le groupe britannique, bien connu des amateurs de rock progressif. C'est un groupe qui existe quand même depuis 1971. 5 musiciens, dont 2 qui sont d'origine. On a Derek No More, le bassiste, puis Ron Howden à la batterie. On sait que le chanteur Roy Albrighton est décédé à 67 ans en 2016. Et malgré ça, ben, le groupe continue quand même à produire des albums studio. Le plus récent, il s'intitule « The Other Side ». En fait, c'est le 15e album studio du groupe depuis 1971. On considère là-dedans aussi qu'il y a eu une éclipse là, d'enregistrement entre 1980 et 2001. Donc, 2001, c'est-à-dire, alors 21 années d'absence. Durant leur longue période aussi, ils ont eu 15 albums en spectacle. 2 DVD qui couvrent aussi des spectacles. On a, pour ceux qui sont un petit peu en retard et qui connaissent pas Nectar et qui voudraient, faire une sélection, eh bien, il y a 6 coffrets, compilations, qui vous permettront de prendre les meilleures fraises des meilleurs paniers. Alors, on revient à l'album qui nous concerne, donc celui qui est sorti il y a quelques semaines. C'est un album de 8 chansons. Qui totalise 65 minutes. Et aujourd'hui, à l'émission, je vous en propose 2. C'est I'm on Fire, et puis on aura par la suite Love is the Other Side. We'll be right back. what I feel that you're not there. Can't Baby, we'll both be reborn. trip to the other side. Finding our way through the darkness. Music will guide us along the ride. So we won't need to move too fast. Alors, c'était le groupe britannique Nectar et la pièce titre de leur plus récent album The Other Side. Ça a été précédé de Love Is et la pièce I'm on Fire, toutes deux extraits du même album. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, pour le deuxième bloc de l'émission, on va aller du côté de l'Angleterre avec un groupe très connu. C'est Caravan. Alors, je vous propose un extrait de l'album intitulé The Album. Ça, c'est sorti en 2004. Et la pièce, ben, ça va être Whatcha Gonna Tell Me. Alors, ça sera suivi de Lalo Hubert. Lalo Hubert, qu'on connaît comme claviériste de la formation argentine Nexus. Et lui, il a fait un seul album en 2009. L'album s'appelle Lost in Kali Yuga. Et la pièce que je vous propose, c'est Last Trip in Buenos Aires. Pour rester dans le mode sud-américain, on va aller du côté du Chili avec la formation Los Jaivas, que je calcule comme étant la formation qui est la plus imprégnée des sonorités des années 70 pour ce qui concerne Sud-Amérique. Quand même teinté avec quelques instruments exotiques là, qui leur appartiennent. Alors, on aura l'album Otras de Viota Para et la pièce Y Arriba Quemando el Sol. Et on va aller tout en opposé du côté de la Turquie avec le groupe Jevende. Jevende qui ont trois albums studio. Alors, je propose la pièce Vigilante. Ça, c'est extrait de leur deuxième album Sen Balik d'Eglise qui. Alors, on y va tout de suite avec Caravan. Go by the love that Cuando fui para la pampa, llevaba mi corazón contento como un chirigüe, pero allá se me murió. Primero perdí las plumas y luego perdí la voz. Y arriba quemando el sol. Alors, c'était Jevende de Turquie. Ça a été précédé du groupe Los Jaivas. Ça, c'était du Chili. Et auparavant, on avait Lalo Hubert d'Argentine. Et on a débuté le bloc avec Caravan. Ça, c'était d'Angleterre. Je vous rappelle que si vous voulez le libellé exact là, des chansons, des albums et tout le tralala, alors je vous invite à consulter la page Facebook de Rock de Neurone. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, pour le début de ce nouveau bloc, le troisième de l'émission, on aura la formation Long Earth. C'est un groupe d'Angleterre qui est origine d'un musicien de la formation Abel Gans. Son nom, c'est Hugh Montgomery. Alors, il participe à ce projet-là avec deux albums studio, le premier qui est paru en 2017 et le plus récent, lui, il est prévu. En tout cas, moi, je l'attends. C'est pour cette raison qu'on va aller du côté de 2017 et on va entendre la pièce « Where is the Laughter? » Ça vient du groupe The Source. Et ensuite, on a un groupe britannique qui est composé de musiciens qui originent de King Crimson et de Van de Graaff Generator. Le groupe s'appelle ESP. Et le plus récent album s'intitule The Rising, ça c'est paru en 2019. Et moi, je vous propose la pièce Connected. Et ensuite, on aura un groupe multinational. C'est mon ami de l'Assomption, Luc, qui va être content d'apprendre que le nom du groupe, c'est My Name is Janet. Alors, on aura la pièce The Send. Ça, c'est un groupe qui a deux albums à son actif. Seulement, ça fait quand même 6-7 ans qu'on n'a pas entendu parler d'eux. Et ils ont deux albums, le premier paru en 2011, et celui que vous allez entendre, c'est « Be Unviling in the Town of Dead ». Et on va conclure avec le groupe assez connu de Tangent, qui est assez réputé pour des longues pièces. Là, j'ai un album, en spectacle, s'intitule « Going Off on One ». Et la pièce qu'on va entendre, c'est Forsaken Cathedrals. Alors, on débute ça avec Long Earth. Thank you.

tried to levitate, just push and deliver. But my machine crashed down the wreckage that around. Falling down on the sand. Alors, c'était la prestation musicale du groupe The Tangent et la pièce qu'on a entendue, c'est Forsaken Cathedrals, tirée de Going Off on One. Ça, c'est paru en 2007 et ça a été précédé de la formation, une formation multinationale du nom de My Name is Janet et la pièce, c'était The Send et c'est tiré de Big Unveiling in the Town of Dead. Auparavant, on avait ESP Project et la pièce Connected. Ça, c'est extrait de l'album The Rising. Et en début de bloc, on avait Long Earth et la pièce Where is the Laughter, tirée de l'album The Source. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, on y va avec la formation française Nemo, qui est très connue, qu'on a fait jouer à l'émission de façon assez régulière. Et là, on a un extrait de leur participation au coffret Dante's Paradiso de Divine Comedy. Ça, c'est la compilation des trois coffrets de quatre disques chacun qu'on a déjà présenté à l'émission il y a une semaine ou deux. Des extraits, dis-je. Et là, on a Nemo avec la pièce « Sans voix ». C'est tiré d'un de ces 12 CD-là. Et ça sera suivi avec la formation autrichienne « Their Dogs Were Astronauts ». Et eux nous proposent un album bientôt, mais je ne l'ai pas reçu encore et on va peut-être aller un petit peu en arrière. Ils ont 4 albums ou 5 albums studio. L'avant-dernier, c'est Neon Theater, et c'est la pièce contorsionniste qu'on va entendre. Et il y a un nouveau groupe, en fait nouveau, ils ont 2 albums à leur actif, ils viennent des Pays-Bas, et leur nom c'est Junction, ça s'appelle J-U-N-X-I-O-N. C'est une longue pièce, ça varie beaucoup, il y a plusieurs tempos là-dedans, c'est doux, c'est dense. Ça varie. Alors, la pièce, c'est Epiphanie, puis c'est tiré de Stories of the Revolution. Alors, on débute ça avec Nemo. We'll be right back. Thank you. Alors, c'était des Pays-Bas, la formation Junction et la pièce Epiphany. Ça, c'est tiré de Stories of the Revolution. Ça, c'est paru en 2019. Auparavant, on avait Their Dogs Were Astronauts. Ça, ça vient d'Autriche. Et la pièce, on a entendu, c'est Contorsionniste et tiré de Neon Theater, paru en 2017. Et en début de bloc, on avait la formation française Nemo et la pièce Sans Voix. Ça, c'est tiré de Divine Comedy, Dante's Paradiso, paru en 2010. Alors ça met fin à la programmation musicale. On en est rendu à la 243e émission de Rock de Neurone. Je vous rappelle que tout a débuté le 18 février 2013 et on débute notre 8e saison, en fait notre 8e année. Et avant de vous quitter, bien, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez écouter cette émission en rediffusion les dimanches de 10h à midi. Et les mardis de midi à 14h, ça c'est toujours sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et en plus, l'émission est disponible sur Internet à partir de SoundCloud. Pour l'écouter, bien, vous n'avez qu'à taper dans la barre de recherche de SoundCloud « Rock de Neurone » et vous allez accéder à l'émission courante, de la semaine courante. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin dans le passé, bien, vous pouvez, à partir de archive.org, écouter plusieurs émissions qui ont été enregistrées, en fait, qui ont été sauvegardées et archivées là. Une autre façon d'y arriver, c'est en passant par la page Facebook de Rock de Neurone. Et là aussi, bien, vous avez des liens qui vont vous amener soit sur SoundCloud ou soit sur archive.org. Et je rappelle aussi que la page Facebook résume beaucoup de palmarès, notamment au niveau du rock progressif québécois, italien et plus généralement le top 100, selon mon avis à moi, le top 100 du rock progressif depuis les tout débuts. Je vous annonce aussi que dans quelques semaines, là, Rock de Neurone, ben, on aura notre page web. Alors, j'ai bien hâte de vous proposer ça. Alors, c'est Jimmy Farley qui espère que vous avez aimé l'émission et qui vous invite à vous joindre à nous la semaine prochaine pour du rock progressif.